106.3 FM, non, ça ne dit rien. Ah, mais c'est parce que t'habites à Paris. Ah, mais voilà, mais moi, je peux pas l'entendre. Si ? Ah, ouais, yeah, sur internet, cool. www.rfpp.net. 20 ans. Émission culturelle, sociale, politique, musicale, tout ce que j'aime. C'est excellent. Super. Bon, moi, je vais y aller. C'est excellent. C'est excellent. Émission politique, culturelle, c'est sociale excellent. Et musicale. Tout ensemble. Tout ensemble. Partout dans le monde. www.rfpp.net. C'est bon, ça. C'est excellent. C'est excellent. Ce matin j'ai vomi. Excuse-moi, t'aurais pas une petite pièce? Je conduisais un Clio. Allez, fais pas le radin, Dieu te le rendra. Hier encore c'était un Lamborghini. À la queue comme tout le monde, t'as rien à voir. Mieux vaut tomber que de rester à zéro. Ça fait 3 mois que je sors du placard. Ils veulent nap mais ils sont pas prêts à faire ce qu'a fait Chiro. Niquer le casino. Y'a plein de yoyans amoureux, on ressort chez Valentino. Ça serait pris Marc Poto si je réfléchis à toutes ces liasses empilées, emportées dans les saisies. Mais je suis Trixma, motherfucking Trixma. Parce que je sais ce que ça rapporte, une puce de la neige, un Vespa. Je sais ce que c'est aussi d'être sec et de côtoyer des secs pas. Garder les ballons d'or, j'ai le mort, je suis Iniesta. Ils croient que je sais faire que ça, mais je sais tenir le resto. L'ossa, t'inquiète pas, suffit de bien mettre le cuistot. Niqué, wesh l'ancien, fini les soirées disco. Laisse le prix du litre ou tu vas cramer dans ton bistrot. Représente les frustrés. Escroc, discret, qui joue les bonnes notes sur les mauvais synthés. Santé, 9-3, Neuilly, Bondy, Nord Saint-Ouen. On aurait perdu le permis frelot même s'il faisait 100 points. Boum sur le bas-côté, bim ça recommence. Encore un fils de pute de Condé qui veut voler ma chance. Mais bien trop de vices pour céder à l'outrage, mettre en danger mes fesses. Dans ma tête c'est fils de pute, dans ma bouche c'est votre altesse. Et je m'en tire avec un faux blaze, je me casse, la vie est belle. Pour esquiver ces trous du Cuba, j'écoute Chéri FM. Ils veulent que je lise Charlie Hebdo sans que je me sente offensé. En gros y'a qu'en suçant que j'ai le droit de me sentir français. Je me sens bien plus bon que ces gens raffinés qui détestent qu'on prenne le temps de se poser des questions. Si on prenait une minute pour s'interroger, la minute après on brûlerait Matignon. Et comme tu peux le deviner, je déteste le casino. Car parier c'est laisser le hasard décharger le barillet. C'est accepter de se faire humilier sans même savoir par qui. Tu vas pas te venger sur le croupier qui veut nourrir sa famille. Et ouais, niquer le casino c'est vaincre une armée sans patrie. Essayer d'appeler le paradis sans crédit ni batterie. Casino, essayez d'appeler le paradis sans crédit ni batterie. Allô? Famille nombreuse, famille pleine. C'est vrai que la vie va vite, mais je veux vivre en paix. À l'année, on peut fumer un kilo ou deux. Mes frérots, je te jure, ici on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut parce que la vie nous a baisé. On fait ce qu'on peut, leur matraque aime nous caresser. HLM, on deviendra des Gucci men. Inscrit à la SACEM sans papier français. Si de la cité, tu sais bien qu'il faut vivre tes rêves. Reste pas bloqué dans le check, calibre chargé, mais ça s'enraye. Tes max 520 sans frein, niquer des rums, ça sera sans fin. Les grosses majeures nous ont choisi pour faire danser la bourgeoisie. Sur les plateaux de télé, le rappeur, on se fout de sa gueule. En sachant qu'ils connaissent par cœur son single. Ici c'est la rue, crois pas qu'on joue un rôle. J'fais du rap pour éviter de vendre dans un hall. Au fond de mon quartier, au fond de mon quartier. J'veux m'en sortir, comment faire? J'veux m'en sortir, comment faire? Au fond de mon quartier, au fond de mon quartier. J'veux m'en sortir, comment faire? Faire danser la bourgeoisie. Bourgeoisie, faire danser la bourgeoisie. Bourgeoisie, faire danser la bourgeoisie. Bourgeoisie, faire danser la bourgeoisie. Bourgeoisie, faire danser la bourgeoisie. C'est chez nous que les cons dépètent. À la porte, 6h du mat. Et c'est sur nous qu'on enquête. C'est sur nous qu'on fait des enquêtes. Le jour de gloire est arrivé. Vodka porte dans le square, c'est son. Tu t'en sors avec des sursis. Un outrage, tu repars en sonce. Les civils dans le périmètre. C'est pour ça que nos parents songent. De père en fils, c'est la hesse. Demande pas de vivre avec. Non, jamais. Dans Paris, sans savoir la cesse, quand la bourgeoisie fait la fête. J'encaisse, j'encaisse, j'ai que ça en tête. De faire danser la bourgeoisie. Je rappe, je chante, prends pas la tête. Bénef du terrain, claque sur rue Pontchieu. Tu finis au D1 sans rien, frérot, maintenant prie le bon Dieu. Au fond de mon quartier, au fond de mon quartier.

en blague et j'fume ma conso. Je suis dans la vitrine. J'crache la fumée en forme de clitor. Je rêve d'être un artiste. J'traîne ma carcasse sur le trottoir. Dans le soir, dans le noir. Chante, je raconte mon histoire d'un enfant perdu dans la le soir. La voix du ghetto. Et elle résonne dans les halls. Des grandes pylons, cité dortoirs. La mélodie des quartiers pauvres. Où les pères n'assument plus leur rôle. Où les mères élèvent seuls leur mot. J'vis cette mélodie, j'vis cette mélodie, j'vis cette mélodie, j'vis cette mélodie. Ah. Ouais, ouais. La chance n'existe que chez les autres. Seul le travail pêche chez les nôtres. D'en bas il est difficile de voir. La mélodie des quartiers pauvres me suit quand je monte au casse-pipe. Pour m'en sortir, je dois faire des loups. Maintenant, je veux vivre, plus survivre au cours. Mais semblant d'y croire. Oh yeah. Mes frères d'armes sont mes frères de sang. La vie sans présent. La voix sort du ghetto. Et elle résonne dans les eaux. Des grandes vélocités dans toi. Où les pères n'assument plus leur rôle. Où les mères élèvent seuls leur mot. Comme une ruinée, un parfum noir. La mélodie des quartiers pauvres. J'vis cette mélodie. J'vis cette mélodie. J'vis cette mélodie. J'vis cette mélodie. Ouais, c'est nous contre eux. Cagoulé, capuché, ouais, c'est nous contre eux. Certains n'ont plus le choix, la tête c'est l'enfer. Viens tester l'enfer, tu décolles très peu serein. Il veut au pâte au coup de savate, mes meilleurs potes vendent du camas. La pack de balles sort du fama. Ce putain de monde fait que tu cavales. Maintenant y'a plein de types en cavale. Cousin, l'accent vient de la calier. Quand t'arrêteras de faire de l'argent, y'aura plus personne pour t'aider. Y'aura plus personne pour t'aider. C'est des cafards, faut du bégon. Devant les stars, toi tu bégais. Nous sous nos sapes, y'a du téflon. La vie c'est pas un Luc Besson. Dedans les jambes, une dans le caisson. Des marques de luxe dans la brechant. Maintenant c'est tout pour la beuflant. Mais y'a plus grave à gérer. Des SDF dans la rue. Une société à l'arrêt. Parce que du taf, y'en a plus. Et même s'il y en a encore, dis-moi donc on travaille pourquoi. Pour vivre dans le stress et s'arracher les cheveux à chaque fin du mois. Enfant de Clio, en Ford Clio, on cherche tuyau. Pour sortir de la merde, on marche en bande trio. Dakar, Rio, la misère tue nos cardio. Avec les politiques, pas de love, pas de rappeur cordio. Ouais, c'est nos vies. Ouais, c'est nos vies. Je marche avec des bonhommes au profil très peu économe. Rien à foutre de leur psychologue. On consomme la colle de Pologne. Paris, pas les sables d'Olonne. Nos darons se pètent la colonne. Nos reçus sont belles, même voilées. Bande sans sous un ciel étoilé. Pour une sombre histoire de terrain, le silence se met à parler. Combien d'entre nous qui sert hein? Combien se sont fait rafaler? Monseigneur, pardonnez-nous. Nous, on se croit au-dessus des lois. Double sniper sur les toits. On traîne en meute comme font les loups. Révolutionnaire, masque à gaz, veste camouflée. Man, je t'invite à voir réellement ce que l'État nous fait. Moi et toute ma bande, nous cogitons à comment faire le blé. La vie c'est savoir rendre les coups quand tu tombes, savoir se lever. Ici c'est jean polo, faux passeport, le cure du vanquish. Drogue dure, tribunal, des moments cloque à 15 piges. À 11 ans la cigarette, la cocaïne à 26. Des virginités disparaissent dans Toyota à 26. Du haut de ma tour j'ai vu la terre, ses deux fesses tournées. On les laissera le pied à terre avec les vestes retournées. Marine se fait péter sur la 6, laisse tout adversaire sans dents. Marine Le Pen est une raciste, elle ne peut pas faire semblant. La race humaine devient bien trop space. Trop de balles, trop de cam, trop de stress. Trop d'immondices, le temps passe, le temps presse. M'amène le monde est une grosse gare sans orface. Sauvage, 243 RAS. C'est vrai, RGT, Bruno la grande borne. Que des sauvages. Sauvage, sauvage. Je suis posé à la cité, comme à la maison, mon gars, je suis pépélé. Dans la vie, c'est donnant, donnant. Y'a rien que Ophélé. Je leur mets que des coups de pression, comme quand le daron te dit, éteins la télé. Pas de rugby man chez nous, mais tout le monde participe quand y'a la mêlée. Je vais tous les rafaler, écouter la symphonie. Je les entends rapper, je me demande si c'est des Poucav ou des Tommy. Ils font tous les tucks dans les peuclis. Ah la Montana Tony, vos rappeurs qui dansaient à Châtelet. Ah ouais. La tectonique ou le logo B. Fais pas le godin, amène mes yebis. Fais pas le godin, amène mes yebis. Ici à 13 piches, déjà sa bibi. Ah ouais. Masta ba petit ba baby. Me barre à Kinshasa, à Douala, à Babi. J'suis à Dakar, pas ma coconatrie. Sauvagerie. Comme un caf en ville, si t'es yégri. Je vais tous les traumatiser. Qui pourra rivaliser? Du mal à réaliser. Sauvage. Des rappeurs carbonisés. Sauvage. Sauvage. Sauvage. Je vais tous les traumatiser. Étant petit, je cassais des bouches. Juste pour me canaliser. Léopard du Zaïre traîne avec éléphants et des lions indomptables. Grand, petit, moyen, respecte tout ce respectable. Ma prof d'histoire connaissait pas Thomas Sankara. Je trouve ça regrettable. En 2016, ils savent pas tous rapper. Ils savent faire des dabs. Touche à la famille, des crimes on va commettre. T'as beau faire 2 mètres, pour t'enterrer il suffit d'un 9 mm. Sauvage. La truche la mécra, les rappeurs vont t'écra. Demande à IBK. Moi je suis un all black, mais c'est le 47 qui fait le AK. Y'a rien de personnel, c'est que du business. On porte la haute couture et nos coronesses. Kalash faut faire du sale. Ah ouais. Kalash faut faire du sale. Ah ouais. Je vais faire du sale, c'est promis. Et je tiens toujours mes promesses. Je vais tous les traumatiser. Qui pourra rivaliser? Du mal à réaliser. Sauvage. Des rappeurs carbonisés. Sauvage. Sauvage. Sauvage. Je vais tous les traumatiser. Étant petit, je cassais des bouches. Juste pour me canaliser. Je vais tous les traumatiser. Qui pourra rivaliser? Du mal à réaliser. Sauvage. Des rappeurs carbonisés. Sauvage. Sauvage.